Chapitre 7 de l'esprit de parti. Il faut avoir vécu contemporain d'une révolution religieuse ou politique pour savoir quelle est la force de cette passion. Elle est la seule dont la puissance ne se démontre pas également dans tous les temps et dans tous les pays. Il faut qu'une sorte de fermentation, causée par des événements extraordinaires, développe ce sentiment, dont le germe existe toujours chez un grand nombre d'hommes, mais peut mourir avec eux sans qu'ils aient jamais eu l'occasion de le reconnaître. Des querelles frivoles, telles que des disputes sur la musique, sur la littérature, peuvent donner quelques idées légères de la nature de l'esprit de parti. Mais il n'existe tout entier, mais il n'est l'action dévorante qui consume les générations et les empires que dans ces grands débats, où l'imagination peut puiser sans mesure tous les motifs d'enthousiasme ou de haine. On doit d'abord distinguer l'esprit de parti de l'amour propre, qui fait tenir à l'opinion qu'on a soutenue. Il en diffère tellement qu'on peut même quelquefois mettre ces deux penchants en opposition. Un homme diversement célèbre, M. de Condorcet, avait précisément le caractère de l'esprit de parti. Ses amis assurent qu'il aurait écrit contre son opinion, qu'il l'aurait et désavoué et combattu ouvertement, sans confier à personne le secret de ses efforts, s'il avait cru que ce moyen pouvait servir à faire triompher la cause de cette opinion même. L'orgueil, l'émulation, la vengeance, la crainte prennent le masque de l'esprit de parti. Mais cette passion, à elle seule, est plus ardente. Elle est du fanatisme et de la foi, à quelque objet qu'elle s'applique. Et qu'y a-t-il au monde de plus violent et de plus aveugle que ces deux sentiments? Pendant les siècles déchirés par les querelles religieuses, on a vu des hommes obscurs, sans aucune idée de gloire, sans aucun espoir d'être connus, employer tous les moyens, braver tous les dangers, pour servir la cause qu'ils avaient adoptée. Un beaucoup plus grand nombre d'hommes se mêlent aux querelles politiques, parce que dans les intérêts de ce genre, toutes les passions se joignent à l'esprit de parti, et décident à suivre l'un ou l'autre étendard. Mais le pur fanatisme, dans tous les temps, et pour quelque but que ce soit, n'existe que dans un certain nombre d'hommes qui auraient été catholiques ou protestants dans le XVe siècle et se font aujourd'hui aristocrates ou jacobins. Ce sont des esprits crédules, soit qu'ils se passionnent pour ou contre les vieilles erreurs, et leur violence sans arrêt leur donne le besoin de se placer à l'extrême de toutes les idées pour y mettre à l'aise leur jugement et leur caractère. L'exaltation de ce qu'on appelle la philosophie est une superstition comme le culte des préjugés. Les mêmes défauts conduisent aux deux excès contraires. Et c'est la différence des situations où le hasard d'un premier mot, qui dans la classe commune fait de deux hommes de parti, deux ennemis ou deux complices. L'homme éclairé, qui d'abord adopta la cause des principes, parce que sa pensée n'avait pu s'astreindre à respecter des préjugés absurdes, alors qu'il embrasse une vérité avec l'esprit de parti, perd la faculté de raisonner, ainsi que le partisan de l'erreur, et bientôt emploie des moyens semblables. De même qu'on a vu prêcher l'athéisme avec l'intolérance de la superstition, l'esprit de parti commande la liberté avec la fureur du despotisme. On a dit souvent dans le cours de la Révolution de France que les aristocrates et les jacobins tenaient le même langage, étaient aussi absolus dans leurs opinions, et selon la diversité des situations, adoptaient un système de conduite également intolérant. Cette remarque doit être considérée comme une simple conséquence du même principe. Les passions rendent les hommes semblables entre eux comme la fièvre jette dans le même état des tempéraments divers. Et de toutes les passions, la plus uniforme dans ses effets, c'est l'esprit de parti. Elle s'empare de vous comme une espèce de dictature qui fait taire toutes les autorités de l'esprit, de la raison et du sentiment. Sous cet asservissement, pendant qu'il dure, les hommes sont moins malheureux que par le libre arbitre, qui reste encore aux autres passions. Dans celle-là, la route qu'il faut suivre est commandée comme le but qu'on doit atteindre. Les hommes dominés par cette passion sont inébranlables, jusque dans le choix de leurs moyens. Ils ne voudraient pas les modifier, même pour arriver plus sûrement à leur objet. Les chefs, comme dans toutes les religions, sont plus adroits, parce qu'ils sont moins enthousiastes. Mais les disciples se font un article de foi de la route autant que du but. Il faut que les moyens soient de la nature de la cause, parce que cette cause, paraissant la vérité même, doit triompher seulement par l'évidence et la force. Je vais rendre cette idée sensible par des exemples. Dans l'Assemblée constituante, les membres du côté droit auraient pu faire passer quelques-uns des décrets qui les intéressaient, s'ils eussent laissé la parole à des hommes plus modérés qu'eux, et par conséquent plus agréables au Parti populaire. Mais ils aimaient mieux perdre leur cause en la faisant soutenir par l'abbé Maury que de la gagner en la laissant défendre par un orateur qui ne fut pas précisément de leur opinion sous tous les autres rapports. Un triomphe acquis par une condescendance est une défaite pour l'esprit de parti. Lorsque les constitutionnels luttaient contre les jacobins, si les aristocrates avaient adopté le système des premiers, s'ils avaient conseillé au roi de se livrer à eux, ils auraient alors renversé l'ennemi commun, sans perdre l'espoir de se défaire un jour de leurs alliés. Mais dans l'esprit de parti, on aime mieux tomber en entraînant ses ennemis que triompher avec quelques-uns d'entre eux. Lorsqu'en étant assidu aux élections, on pouvait influer sur le choix des hommes dont allait dépendre le sort de la France, les aristocrates aimaient mieux l'exposer aux joues des scélérats que de reconnaître quelques-uns des principes de la Révolution en votant dans les assemblées primaires. L'intégrité du dogme importe davantage encore que les succès de la cause. Plus l'esprit de parti est de bonne foi, moins il admet de conciliation ou de traité d'aucun genre. Et comme ce ne serait pas croire véritablement à l'existence efficace de sa religion que de recourir à l'art pour l'établir, dans un parti, l'on se rend suspect en raisonnant, en reconnaissant même la force de ses ennemis, en faisant le moindre sacrifice pour assurer la plus grande victoire. Quel exemple de cet esprit impliable, dans chaque détail comme dans l'ensemble, le Parti populaire aussi n'a-t-il pas donné? Combien de fois n'a-t-il pas refusé tout ce qui pouvait ressembler à une modification? L'ambition sait se plier à chacune des circonstances pour profiter de toutes. La vengeance même peut retarder ou détourner sa marche. Mais l'esprit de parti est comme les forces aveugles de la nature, qui vont toujours dans la même direction. Cette impulsion, une fois donnée à la pensée, elle prend un caractère de roideur qui lui ôte, pour ainsi dire, ses attributs intellectuels. On croit se heurter contre quelque chose de physique lorsqu'on parle à des hommes qui se précipitent dans la ligne de leur opinion. Ils n'entendent ni ne voient, ni ne comprennent. Avec deux ou trois raisonnements, ils font face à toutes les objections. Et lorsque ces traits lancés n'ont pas convaincu, ils ne savent plus avoir recours qu'à la persécution. L'esprit de parti unit les hommes entre eux par l'intérêt d'une haine commune, mais non par l'estime ou l'attrait du cœur. Il anéantit les affections qui existent dans l'âme, pour y substituer des liens formés seulement par les rapports d'opinion. L'on sait moins de gré à un homme de ce qu'il fait pour vous que pour votre cause. Vous avoir sauvé la vie est un mérite beaucoup moins grand à vos yeux que de penser comme vous. Et par un code singulier, l'on établit les relations d'attachement et de reconnaissance qu'entre les personnes du même avis. La limite de son opinion est aussi celle de ses devoirs. Et si l'on reçoit, dans quelques circonstances, des secours d'un homme qui suit un parti contraire au sien, il semble que la confraternité humaine n'existe plus avec lui, et que le service qu'il vous a rendu est un hasard qu'on doit totalement séparer de celui qui l'a fait naître. Les grandes qualités d'un homme qui n'a pas la même religion politique que vous ne peuvent être comptées par ses adversaires. Les torts, les crimes même de ceux qui partagent votre opinion ne vous détachent pas d'eux. Le grand caractère de la véritable passion est d'anéantir tout ce qui n'est pas elle, et une idée dominante absorbe toutes les autres. Il n'est point de passion qui doive plus s'entraîner à tout le crime, par cela même que celui qui l'éprouve est enivré de meilleure foi, et que le but de cette passion, n'étant pas personnel à l'individu qui s'y livre, il croit se dévouer en faisant le mal, conserve le sentiment de la vertu, en commettant les plus grands crimes, et n'éprouve ni les craintes ni les remords inséparables des passions égoïstes, des passions qui sont coupables aux yeux de celui-même qui s'y abandonne. L'esprit de parti n'a point de remords. Son premier caractère et de voir son objet tellement au-dessus de tout ce qui existe qu'il ne peut se repentir d'aucun sacrifice quand il s'agit d'un tel but. La dépopulation de la France était conçue par la féroce ambition de Robespierre, exécutée par la bassesse de ses agents. Mais cette affreuse idée était admise par l'esprit de parti lui seul, et on lui a dit sans être un assassin, « Il y a 2 millions d'hommes de trop en France ». L'esprit de parti est exempt de crainte, non pas seulement par l'exaltation de courage qu'il peut inspirer, mais par la sécurité qu'il fait naître. Les Jacobins et les aristocrates, depuis le commencement de la Révolution, n'ont pas un instant désespéré du triomphe de leur opinion. Et au milieu des revers qui ont frappé si constamment les aristocrates, il y avait quelque chose de béat dans la certitude avec laquelle ils débitaient des nouvelles, que la foi la plus superstitieuse aurait à peine adoptées. Il y a cependant quelques nuances générales, qui sans application, particulière à la Révolution de France, distinguent de l'esprit de parti de ceux qui défendent les anciens préjugés, d'avec l'esprit de parti de ceux qui veulent établir de nouveaux principes. L'esprit de parti des premiers est de meilleure foi, celui des novateurs est plus habile, la haine des premiers est plus profonde, celle des autres est plus agissante. Les premiers s'attachent plus aux hommes, les novateurs davantage aux choses. Les premiers sont plus implacables, les seconds plus meurtriers. Les premiers regardent leurs adversaires comme des impies, les seconds les considèrent comme des obstacles, en sorte que les premiers détestent par sentiment, tandis que les autres détruisent par calcul, et qu'il y a moins de paix à espérer des partisans des anciens préjugés, et plus à redouter de la guerre faite par leurs ennemis. Malgré ces différences, cependant, les caractères généraux sont toujours pareils. L'esprit de parti est une sorte de frénésie de l'âme qui ne tient point à la nature de son objet. C'est ne plus voir qu'une idée, lui rapporter tout et n'apercevoir que ce qui peut s'y réunir. Il y a une sorte de fatigue à l'action de comparer, de balancer, de modifier, d'excepter, dont l'esprit de parti délivre entièrement les violents exercices du corps. L'attaque impétueuse qui n'exige aucune retenue donne une sensation physique très vive et très enivrante. Il en est de même au moral de cet emportement de la pensée, qui, délivré de tous ses liens, voulant seulement aller en avant, s'élance sans réflexion aux opinions les plus extrêmes. Jamais il ne peut en coûter à l'esprit de parti d'abandonner des avantages individuels dont on sait la mesure, pour un but tel que cette passion le fait concevoir. Pour un but qui n'a jamais rien de réel, de jugé, ni de connu, et que l'imagination revêt de toutes les illusions dont la pensée est susceptible. La démocratie ou la royauté sont le paradis de leurs vrais enthousiastes. Ce qu'elles ont été, ce qu'elles peuvent devenir n'a aucun rapport avec les sensations que leurs partisans éprouvent à leur nom. À lui seul, il remue toutes les affections ardentes et crédules dont l'homme est susceptible. Par cette analyse, on voit que la source de l'esprit de parti est tout à fait étrangère au sentiment du crime. Mais si cet examen philosophique inspire un moment d'indulgence, combien les effets affreux de cette passion ne ramènent-ils pas à l'effroi qu'elle doit inspirer? Il n'en est point qui puisse à cet excès borner la pensée et dépraver la moralité. L'esprit humain ne peut avoir son développement, ne peut faire de véritables progrès qu'en arrivant à l'impartialité la plus absolue, en effaçant ou donnant de soi la trace de toutes les habitudes, de tous les préjugés, et se faisant, comme Descartes, une méthode indépendante de toutes les routes déjà tracées. Or, quand la pensée est une fois saisie de l'esprit de parti, ce n'est pas des objets à soi, mais de soi vers les objets que partent les impressions. On ne les attend pas, on les devance. Et l'œil donne la forme au lieu de recevoir l'image. Les hommes d'esprit, qui dans toute autre circonstance cherchent à se distinguer, ne se servent jamais alors que du petit nombre d'idées qui leur sont communes avec les plus bornés d'entre ceux de la même opinion. Il y a une sorte de cercle magique tracé autour du sujet de ralliement, que tout le parti parcourt et que personne ne peut franchir, soit qu'on redoute, en multipliant ses raisonnements, d'offrir un plus grand nombre de points d'attaque à ses ennemis, soit que la passion est également dans tous les hommes plus d'identité que d'étendue, plus de force que de variété, placés à l'extrême d'une idée, comme des soldats à leur poste, jamais vous ne pourrez les décider à venir à la découverte d'un autre point de vue de la question, et tenant à quelques principes, comme à des chefs, à des opinions, comme à des serments. On dirait que vous leur proposez une trahison quand vous voulez les engager à examiner, à s'occuper d'une idée nouvelle, à combiner de nouveaux rapports. Cette manière de ne considérer qu'un seul côté dans tous les objets et de les présenter toujours dans le même sens est ce que l'on peut imaginer de plus fatigant, dès qu'on n'est pas susceptible de l'esprit de parti. Et l'homme le plus impartial, témoin d'une révolution, finit par ne plus savoir comment retrouver le vrai, au milieu des tableaux imaginaires, où chaque parti croit montrer la vérité avec évidence. Les géomètres rappellent à eux la certitude par des moyens assurés. Mais dans cette sphère d'idées où les sensations, les réflexions, les paroles même, cèdent mutuellement à former le corps des vraisemblances, quand les mots les plus nobles ont été déshonorés, les raisonnements les plus justes faussement enchaînés, les sentiments les plus vrais opposés les uns aux autres, on se croit dans ce chaos que Milton aurait rendu mille fois plus horrible, s'il l'avait pu représenter dans le monde intellectuel, confondant aux yeux de l'homme le juste et l'injuste, le crime et la vertu. Un siècle, une nation, un homme, sous le seul rapport des Lumières, sont très longtemps à se relever du fléau de l'esprit de parti. Les réputations n'ayant plus de rapport avec le mérite réel, l'émulation se ralentit en perdant son objet. L'injustice décourage de la recherche de la vérité. La gloire est rarement contemporaine. Et la renommée elle-même est tellement investie par l'esprit de parti que l'homme vertueux et grand peut ne pas obtenir son recours sur les siècles. Cette passion étouffe dans les hommes supérieurs les facultés qu'ils tenaient de la nature. Et cette carrière de vérité, indéfinie comme l'espace et le temps, dans laquelle l'homme qui pense jouit d'un avenir sans bornes, atteint un but toujours renaissant. Cette carrière se referme à la voie de l'esprit de parti, et tous les désirs, comme toutes les craintes, vouent à la servitude de la foi les têtes formées pour concevoir, découvrir et juger. Enfin, l'esprit de parti doit être de toutes les passions celles qui s'opposent le plus au développement de la pensée, puisque, comme nous l'avons déjà dit, ce fanatisme ne laisse pas même le choix des moyens pour assurer sa victoire, et que son propre intérêt ne l'éclaire point quand il est entièrement de bonne foi. L'esprit de parti arrive souvent à son but par sa constance et son intrépidité, mais jamais par ses lumières. L'esprit de parti qui calcule n'est déjà plus. C'est alors une opinion, un plan, un intérêt. Ce n'est plus la folie, l'aveuglement qui ne pourrait cesser sur un point sans entrevoir tout le reste. Mais si cette passion borde la pensée, quelle influence n'a-t-elle pas sur le cœur? Je recommence par dire qu'il y a une époque de la Révolution de France, la tyrannie de Robespierre, dont il me paraît impossible d'expliquer tous les effets par des idées générales, ni sur l'esprit de parti, ni sur toutes les autres passions humaines. Ce temps est hors de la nature, au-delà du crime, et pour le repos du monde, il faut se persuader que nulle combinaison ne pouvant conduire à prévoir, à expliquer de semblables atrocités, ce concours fortuit de toutes les monstruosités morales est un hasard inouï, dont des milliers de siècles ne peuvent ramener la chance. Mais en deçà de cet horrible terme, combien en France, combien dans tous les temps, l'esprit de parti n'a-t-il pas entraîné d'actions coupables? C'est une passion sans aucune espèce de contrepoids. Tout ce qui se rencontre dans sa route doit être sacrifié au but qu'elle se propose. Toutes les autres passions étant égoïstes, il s'établit dans plusieurs occasions une sorte de balance entre les divers intérêts personnels. Un ambitieux peut quelquefois préférer les plaisirs de l'amitié, les avantages de l'estime, à telle ou telle partie du pouvoir. Mais dans l'esprit de parti, il n'y a rien que d'absolu, parce qu'il n'y a rien de réel, et que la comparaison se faisant toujours du connu à l'inconnu, de ce qui a une borne à ce qui est indéfini, ne permet jamais d'hésiter entre cette incommensurable espérance et quelque bien temporel que ce puisse être. Je me sers de l'expression temporelle, parce que l'esprit de parti déifie la cause qu'il adopte, en espérant de son triomphe des effets au-dessus de la nature des choses. L'esprit de parti est la seule passion qui se fasse une vertu de la destruction de toutes les vertus, une gloire de toutes les actions qu'on chercherait à cacher, si l'intérêt personnel les faisait commettre. Et jamais l'homme n'a pu être jeté dans un état aussi redoutable que lorsqu'un sentiment qu'il croit honnête lui commande des crimes. S'il est capable d'amitié, il est plus fier de la sacrifier. S'il est sensible, il s'énorgueillit de dompter sa peine. Enfin, la pitié, ce sentiment céleste qui fait de la douleur un lien entre les hommes, la pitié, cette vertu d'instinct qui conserve l'espèce humaine en préservant les individus de leur propre fureur, l'esprit de parti a trouvé le seul moyen de l'anéantir dans l'âme, emportant l'intérêt sur les nations entières, sur les races futures, pour le détacher des individus. L'esprit de parti efface les traits de sympathie pour y substituer des rapports d'opinion, et présente enfin les malheurs actuels comme le moyen, comme la garantie d'un avenir immortel, d'un bonheur politique au-dessus de tous les sacrifices qu'on peut exiger pour l'obtenir. Si l'on s'était convaincu d'un principe simple, c'est que les hommes n'ont pas le droit de faire le mal pour arriver au bien. Nous n'aurions pas vu tant de victimes humaines immolées sur l'autel même des vertus. Mais depuis que ces transactions ont existé, entre le présent et l'avenir, entre le sacrifice de la génération actuelle et les dons à faire à la génération future, il n'y a point eu de borne qu'un nouveau degré de passion ne se crût en droit de franchir. Et souvent, des hommes, enclins au crime, croyant s'enivrer des exemples de Brutus, de Manlius, de Pison, ont proscrit la vertu, parce que de grands hommes avaient immolé le crime, ont assassiné ceux qu'ils haïssaient, parce que les Romains savaient sacrifier ce qu'ils avaient de plus cher, ont massacré de faibles ennemis, parce que des âmes généreuses avaient attaqué leurs adversaires dans la puissance, et ne prenant du patriotisme que les sentiments féroces qu'il a pu produire dans quelques époques, n'ont eu de grandeur que dans le mal, et ne se sont fiés qu'à l'énergie du crime. Il sera vrai, cependant, que l'homme vertueux peut surpasser en force active et dominante le coupable le plus audacieux. Il manque encore un beau spectacle au monde. C'est ainsi là dans la route de la vertu. Un homme dont le caractère démontre que le crime est une ressource de la faiblesse, et que c'est au défaut des hommes de bien, mais non à leur moralité, qu'il faut attribuer leur revers. Après avoir esquissé le tableau de l'esprit de parti, il entre dans mon sujet de parler du bonheur que cette passion peut promettre. Il y a un moment de jouissance dans toutes les passions tumultueuses. C'est le délire qui agite l'existence et donne au moral l'espèce de plaisir que les enfants éprouvent dans les jeux qui les enivrent de mouvement et de fatigue. L'esprit de parti peut très bien suppléer à l'usage des liqueurs fortes. Et si le petit nombre se dérobe à la vie par l'élévation de la pensée, la foule lui échappe par tous les genres d'ivresse. Mais quand l'égarement a cessé, l'homme qui se réveille de l'esprit de parti est le plus infortuné des êtres. D'abord, l'esprit de parti ne peut jamais obtenir ce qu'il désire. Les extrêmes sont dans la tête des hommes, mais point dans la nature des choses. Jamais il n'existe un esprit de parti sans qu'il en fasse naître un autre qui lui soit opposé, et le combat ne finit que par le triomphe de l'opinion intermédiaire. Il faut de l'esprit de parti pour lutter efficacement contre un autre esprit de parti contraire, et tout ce que la raison trouve absurde est précisément ce qui doit réussir contre un ennemi qui prendra aussi des mesures absurdes. Ce qui est au dernier terme de l'exagération transporte sur le terrain où il faut combattre et donne des armes égales à celles de ses adversaires. Mais ce n'est point par calcul que l'esprit de parti prend ainsi des moyens extrêmes. Il leur succède et point une preuve des lumières de ceux qui les emploient. Il faut que les chefs, comme les soldats, marchent en aveugle pour arriver. Et celui qui raisonnerait l'extravagance n'aurait jamais à cet égard l'avantage d'un véritable fou. La puissance guerrière est une puissance toute d'impulsion. Il n'y a que de la guerre dans l'esprit de parti. car tous ces principes, constitués pour l'attaque, ces lois servant d'armes offensives, finissent avec la paix, et la victoire la plus complète en un parti détruit nécessairement toute l'influence de son fanatisme. Rien n'est, rien ne peut rester comme il le veut. C'est sans doute à l'instinct secret de l'Empire que doit avoir le vrai sur les événements définitifs du pouvoir que doit prendre la raison dans les temps calmes. C'est à cet instinct qu'est due l'horreur des combattants pour les partisans des opinions modérées. Les deux factions opposées les considèrent comme leurs plus grands ennemis, comme ceux qui doivent recueillir les avantages de la lutte sans s'être mêlés du combat, comme ceux enfin qui ne peuvent acquérir que des succès durables, alors qu'ils commencent à en obtenir. Les jacobins, les aristocrates, craignent moins leur succès réciproque parce qu'ils les croient passagers, et se connaissent des défauts semblables qui donnent toujours autant d'avantages aux vaincus qu'aux vainqueurs. Mais quand la fluctuation des idées ramène les affaires au point juste et possible, la puissance, la considération de l'esprit de parti est finie. Le monde se rassoit sur ses bases. L'opinion publique honore la raison et la vertu. Et cette époque inévitable peut se calculer comme les lois de la nature. Il n'y a point de guerre éternelle, et point de paix cependant sous la dictée des passions, point de repos sans accord, point de calme sans tolérance, point de parti donc qui, lorsqu'il a détruit ses ennemis, puisse satisfaire ses enthousiastes. Il est d'ailleurs une autre observation, c'est que dans ces sortes de guerres, le parti vaincu se venge toujours sur les hommes du triomphe qu'il cède aux choses. Les principes ressortent avec éclat des attaques de leurs antagonistes. Les individus succombent sous les attaques de leurs adversaires. Tout homme extrême dans son parti n'est jamais propre à gouverner les affaires de ce parti, lorsqu'il cesse d'être en guerre, et la haine que les opposants portaient à la cause prend la forme du mépris pour ses plus criminels défenseurs. Ce qu'ils ont fait pour faire triompher leur parti a perdu leur réputation individuelle. Ceux-mêmes qui les applaudissaient, lorsqu'ils croyaient être préservés par eux de quelque danger, veulent l'honneur de les juger lorsque le péril est passé. La vertu est tellement l'idée primitive de tous les hommes que les complices sont aussi sévères que les juges, lorsque la solidarité n'existe plus. Et les vaincus et les vainqueurs sont réconciliés ensemble quand les uns renoncent à leur absurde cause et les autres à leur coupable chef. Les triomphes d'un parti, donc, ne servent jamais à ceux qui s'y sont montrés les plus violents et les plus injustes. Mais quand l'esprit de parti, dans toute sa bonne foi, rendrait indifférent au succès de l'ambition personnelle, jamais cette passion, considérée d'une manière générale, n'est complètement satisfaite par aucun résultat durable. Et si jamais elle pouvait l'être, si elle atteignait jamais ce qu'elle appelle son but, il n'est point d'espoir qui fût plus détrompé, qui cessa plus sûrement au moment de la jouissance. Car il n'en est point dont les illusions aient moins de rapport avec la réalité. Il y a quelque chose de vrai dans les satisfactions que donne la puissance, la gloire, mais lorsque l'esprit de parti triomphe, par cela même, il est détruit. Et quel réveil que cet instant! Le malheur qu'il cause serait encore possible à supporter, s'il venait uniquement de la perte d'une grande espérance. Mais par quels moyens racheter les sacrifices qu'elle a coûtés? Et que devient un homme honnête, alors qu'il se reconnaît coupable d'actions qu'il condamne en recouvrant sa raison? Il en coûte de le dire, de peur de modifier l'horreur que doit inspirer le crime. Il y a dans la Révolution des hommes dont la conduite publique est détestable, et qui, dans les relations privées, s'étaient montrés pleins de vertus. Je le répète, en examinant tous les effets du fanatisme, on acquiert la démonstration que c'est le seul sentiment qui puisse réunir ensemble des actions coupables et une âme honnête. De ce contraste doit naître le plus effroyable supplice dont l'imagination puisse se faire l'idée. Les malheurs qui sont causés par le caractère, on le remet dans lui-même. Il y a jusque dans l'homme profondément criminel une sorte d'accord qui seul peut faire qu'il existe et reste lui-même. Les sentiments qui l'ont conduit au crime lui en dérobent l'horreur. Il supporte le mépris par le même mouvement qui l'a porté à le mériter. Mais quel supplice que la situation qui permet à un homme estimable de se juger, de se voir ayant commis de grands crimes. C'est d'une telle supposition que les anciens ont tiré les plus terribles effets de leur tragédie. Ils attribuent à la fatalité les actions coupables d'une âme vertueuse. Cette invention poétique, qui fait du rôle d'Oreste le plus déchirant de tous les spectacles, l'esprit de parti peut la réaliser. La main de fer du destin n'est pas plus puissante que cet asservissement à l'empire d'une seule idée, que le délire que toute pensée unique fait naître dans la tête de celui qui s'y abandonne. C'est la fatalité pour ces temps-ci que l'esprit de parti et peu d'hommes sont assez forts pour lui échapper. Aussi se réveilleront-ils un jour ceux qui seuls sont sincères, ceux qui seuls méritent les regrets, accablés de mépris, tandis qu'ils auraient besoin de considération, accusés du sang et des pleurs, tandis qu'ils seront encore capables de pitié, isolés dans l'univers sensible, tandis qu'ils pensaient s'unir à toute la race humaine. Ils éprouveront ces douleurs, alors que les motifs qui les ont entraînés auront perdu toute réalité, même à leurs yeux, et ne conserveront de la funeste identité qui ne leur permet pas de se séparer de leur vie passée. Que les remords pour garant, les remords, seul le lien des deux êtres les plus contraires, celui qu'ils se sont montrés sous le joug de l'esprit de parti, celui qu'ils devaient être par les dons de la nature.